les soirs, le doute surgit des angles morts. Silencieux, c'est dans le plus grand secret qu'il étrangle les morts. Les gens me félicitent, ma conscience dit qu'elle n'est pas d'accord. Confiance en déficit, j'ai besoin d'un ego trip advisor. Mon reflet m'accable de violents reproches, plein d'objectifs ambitieux, mais si loin d'en être proche. Mon estime de soi s'absente, man. La vie ne brille plus du même éclat, j'avoue qu'il en faut peu pour que je me sente mal. Les preuves sont formelles, mon quotidien ne bouge pas. J'imaginais des bains de foule et j'ai subi des douches froides. Un peu trop d'angoisse, j'ai pas su faire avec. Alors j'ai voulu me tourner vers les femmes au lieu de me tourner vers la Mecque. Mes décisions m'entraînent en bas de la pyramide. Parfois j'aimerais mettre un carton rouge à mon propre libre arbitre. Besoin de magie pour fuir le vieux tracas. J'ai foncé droit dans le mur en espérant tomber sur le quai 9¾. La tête sous l'eau, je rame depuis le plus jeune âge. Entre flemme et surmenage, plus je me perds et plus je nage. C'est seulement quand je touche le fond de la détresse que je reprends pied. J'allume des incendies tout en souhaitant l'arrivée des pompiers. Le but c'était d'inspirer le monde et d'être plein de vie. Regarde-moi toujours à répéter des plaintes vides. J'en viens même à rêver d'un univers sans miroir. Mes actions me reflètent, c'est suffisant 1000 fois. Comme tous les soirs, j'essaye d'analyser le destin posé dans la baignoire. Et comme souvent, chacune de mes syllabes est noire. Pourquoi? Parce qu'à vrai dire, j'ai beaucoup de peur. Intelligence inadaptée, j'ai le syndrome de Sheldon Cooper. Des idées par centaines, pourtant je reste en retrait. Dans ma chambre, des tas de copies recouvertes d'encre traînent. Bon qu'à faire des rimes ou bon qu'à faire des jeux de mots. Diplômé, mais je conserve encore la naïveté d'un jeune môme. Chacun son rôle, dis-moi quel est le mien. Je m'exprime à l'écrit, j'ai toujours été celui qui parlait le moins. Sans vouloir faire preuve de mauvaise foi, dès que j'interviens, ça sonne faux. C'est comme si j'empruntais la mauvaise voix. Dans mon coin, je me replie comme si j'étais puni. J'aimerais me distinguer, mais je suis très loin d'être un type unique. T'imagines pas les embarras que les trophées m'amènent. Mes proches croient plus en moi que je ne le fais moi-même. Le mystère plane, j'erre au beau milieu du terre-plein. Mes projets meurent tous à la chaîne, chaque semaine j'en enterre plein. Plongé dans le travail pour essuyer mes larmes. J'ai su aimer ce qui m'a vraiment sauvé, c'est que j'ai su aimer l'art. Aucune couverture, je me suis mis dans le beau drap. Ouais, pour affronter mes démons, du courage il m'en faudra. Les sportifs soulèvent la fonte, les chanteurs soulèvent la foule. Moi mon cerveau soulève des problèmes dès l'instant que je soulève la coupe. Je rêvais d'une vie très loin des beaux graphiques. Mais quel intérêt si je reste l'unique lecteur de mon autobiographie. Seul comme un agoraphobe, je suis pas l'homme dont les folle, j'ai moins de crédibilité que les articles du Gorafi. Je devrais sûrement cesser de vivre dans le déni. Me résigner et laisser tomber l'idée d'être l'idole des miss. Avec mon reflet, j'essaye de faire la paix. Nous deux, c'est pour la vie, faut qu'on arrive à faire la paire.